Chapitre 4. Madame la pluie et ses promesses. Le meunier, se voyant menacé de retomber dans la misère, se souvint alors des promesses que lui avait faites madame la pluie. Sans en parler à sa femme, il prit ses souliers ferrés, sa canne et son manteau de laine, et s'en alla bien loin jusqu'à ce qu'il eût trouvé le bord de la mer et la grotte de l'ouest. Un jour gris régnait dans cette grotte. Un brouillard léger envoilait l'entrée, et l'humidité suintait à travers les rochers. De petits esprits y voltigeaient avec des ailes semblables à des nageoires. En passant, ils jetaient de l'eau sur le nez de Jean-Pierre et disaient tout bas « Mouillons, trompons cet indiscret, perçons-lui son manteau, pénétrons à travers ses chaussures. » Mais Jean-Pierre releva le collet de son manteau et marcha hardiment jusqu'au fond de la grotte. Il y trouva Madame la pluie entourée de nymphes grises, languissantes et enrhumées comme elle. On était alors dans le cœur de l'été. La pluie en profitait pour faire ses provisions. Les petits esprits apportaient une à une les bouts d'eau que le soleil avait enlevées sur la mer, dans les rivières, les bois, les marais et les prairies. Les nymphes recevaient ces gouttes d'eau dans des coupes d'or et les jetaient ensuite dans un grand réservoir. Lorsque madame la pluie aperçut Jean-Pierre, elle se mit à bâiller, puis elle se moucha et lui dit d'une voix lamentable « Quel est cet ennuyeux personnage qui vient me troubler dans mes occupations ?»« Madame, répondit le meunier, je suis Jean-Pierre, chez qui vous avez pris un peu de repos il y a longtemps. » Vous m'avez promis de vous intéresser au sort de mon enfant. Le petit Pierrot aura bientôt 7 ans. Je viens vous prier de faire quelque chose pour lui. Il le mérite par sa sagesse, puisqu'il sait déjà lire couramment. Que veux-tu que je fasse pour lui ? Madame, je suis un pauvre paysan qui n'ai point d'idée. Je ne saurais quoi imaginer, mais je m'en rapporte à vous. Rustre que tu es, dit madame la pluie en éternuant. Tu viens me déranger, tu ne sais même pas ce que tu veux. Il faut pourtant me débarrasser de cet homme. Puisque son fils sait lire, qu'on lui donne ma grande boîte de cuivre avec la baguette et le livre doré sur tranche. Si le petit Pierrot est moins bête que son père, c'est assez pour faire sa fortune. Les esprits apportèrent la grande boîte de cuivre, la baguette et le livre doré sur tranche. Jean-Pierre mit le tout sous son bras et s'enfuit en courant. « Ma femme, dit le meunier en arrivant chez lui tout essoufflé, voici un superbe cadeau que madame la pluie m'a donné. » Elle m'assurait que si notre petit Pierrot était moins bête que moi, il y aurait là-dedans de quoi faire sa fortune. « Grand Dieu !» s'écria Claudine. « Tu avais donc encore un secret que tu ne me disais point. Est-il possible que tu l'aies gardé si longtemps ? Pourvu qu'il n'y ait pas quelque nouveau géant dans cette boîte. Pourvu que tout ceci ne finisse pas encore une fois par des coups de bâton. « Ma mère !» dit le petit Pierrot. « Donnez-moi le livre. Je verrai ce qui est écrit dedans. » Pierrot ouvrit le livre doré sur tranche et lut ces mots écrits au frontispice. 12 comédies représentées par les marionnettes merveilleuses de la boîte de cuivre et inventées par Madame la pluie pour le divertissement des petits garçons et des petites filles. « Frappez sans crainte avec la baguette, » s'écria Pierrot, « cette boîte est un théâtre de marionnettes. » Le meunier mit la boîte de cuivre sur la table, prit la baguette et frappa sur le couvercle. Aussitôt la boîte merveilleuse s'ouvrit, le compartiment de devant s'abattit, et l'on aperçut un théâtre fermé par un rideau rouge. De petites bougies allumées formaient la rampe. On entendit les 3 coups qui annonçaient que la pièce allait commencer. La toile se leva, et l'on vit une belle décoration représentant une forêt. Une marionnette de bois, haute de 5 à 6 pouces, sortit de la coulisse et se mit à faire des gestes si expressifs que Pierrot reconnut tout de suite la première scène de la comédie dont il avait les paroles sous les yeux. Il passa derrière la table et lut à haute voix le rôle du petit acteur. Un autre personnage entra bientôt, et Pierrot, changeant de ton, lut son rôle. Il récitait ainsi toute la première comédie qui s'appelait « Les aventures de l'enchanteur Merlin ». À la dernière scène, les petits acteurs de bois saluèrent le public. La toile tomba et la boîte de cuivre se referma brusquement. « Mon Pierre, » dit Pierrot, « frappez encore sur la boîte merveilleuse. Nous verrons sans doute la seconde comédie qui s'appelle « Les amours du chevalier Jasmin et de la princesse Églantine ». Jean-Pierre prit la baguette et frappa sur la boîte. Le théâtre s'ouvrit de nouveau et l'on vit en effet paraître la belle Églantine avec sa robe rose. Pierrot récita les rôles en prenant une voix douce quand la princesse parlait, et une voix grave quand c'était le tour du chevalier. Après la seconde comédie, la boîte se referma. Mais Jean-Pierre frappa encore de la baguette, et l'on vit la 3e comédie qui s'appelait « Les dons de la fée Patte de Mouche ». Le meunier et sa femme veillèrent jusqu'à minuit pour regarder les 12 comédies, et Pierrot récita tant de jolis discours qu'il en était un peu enroué. « Ces comédies sont fort divertissantes, » disait Jean-Pierre, « mais ce théâtre n'est qu'un joujou, et je ne comprends pas comment il pourra faire la fortune de Pierrot. »« Je le comprends bien, moi, » dit Claudine. « Tout le monde voudra voir notre spectacle merveilleux. Pierrot s'en ira dans les châteaux du voisinage, avec la boîte de cuivre, la baguette et le livre doré sur tranche. Il amusera les enfants des seigneurs, on leur régalera, il recevra des cadeaux, et qui sait, peut-être un jour, il épousera une princesse Églantine comme le chevalier Jasmin. Ce sont des rêveries que ces idées-là, murmura Jean-Pierre en s'endormant. Le lendemain, Jean-Pierre vit arriver son seigneur à la ferme. « Mon ami, dit le baron, j'ai rencontré tout à l'heure dans un bois Madame la Pluie, qui est une amie de ma femme. Elle m'a parlé d'une boîte de cuivre dans laquelle est un théâtre de marionnettes et m'a conseillé de te l'acheter pour amuser mes enfants. » Alors le petit Pierrot s'approcha en ôtant son bonnet et salua le baron. « Monseigneur, dit-il, le théâtre merveilleux m'appartient. Si vous le permettez, et si Madame la baronne veut bien me recevoir chez elle, je porterai mon théâtre au château et je ferai jouer mes acteurs devant vos enfants aussi souvent que vous me le demanderez. « À la bonne heure, dit le seigneur, tu es un gentil garçon. Apporte ton spectacle ce soir après le dîner et je te donnerai quelque chose pour ta peine. » Le soir arrivé, Pierrot mit la grande boîte de cuivre dans une brouette et s'en alla au château. Madame la baronne était une belle dame aimable, charitable et bonne, qui tâchait d'adoucir un peu l'humeur de son mari. Elle avait trois jolis enfants, une fille et deux garçons. Pierrot fut reçu à merveille. On le caressa, on lui donna des gâteaux, et la baronne lui glissa de l'argent dans la main. Pour le premier jour, Pierrot fit jouer à ses marionnettes la première comédie seulement, et on la trouva si jolie qu'on le pria de revenir le lendemain. Le second jour, il montra la seconde comédie, et ainsi de suite jusqu'au douzième jour. Quand ce fut fini, on voulut recommencer. Pierrot prit donc l'habitude d'aller au château tous les jours. Jamais il ne retournait à la ferme sans avoir reçu des caresses, des gâteaux et de l'argent, et le meunier, en voyant son fils revenir chaque soir avec les poches pleines, comprit enfin tout ce que valait le cadeau de Madame la Pluie. La petite-fille de la baronne, qui était du même âge que Pierrot, aimait passionnément les comédies de marionnettes. On l'appelait Marguerite. Elle avait les plus jolis yeux bleus et les plus beaux cheveux du monde. Mais elle était sage, douce et toujours de bonne humeur, ce qui vaut mieux que d'être belle. Pierrot l'aimait beaucoup, et Mademoiselle Marguerite avait aussi de l'amitié pour lui. Un soir, après le spectacle, elle soupira en disant « Tu es bien heureux, Pierrot, d'avoir un théâtre merveilleux. Madame la Pluie t'a donné là un joujou digne d'une princesse. »« Mademoiselle, répondit Pierrot, je suis bien heureux, en effet, de posséder une chose qui vous plaise, afin de pouvoir vous la donner. Si mon théâtre est digne d'une princesse, vous le trouverez peut-être digne de vous, et je vous l'offre de tout mon cœur. » Mais le lendemain, le domestique du château ne vint pas comme à l'ordinaire. « On n'a plus besoin de moi, disait Pierrot, et on m'oublie. Mais je ne regrette rien puisque j'ai fait plaisir à Mademoiselle Marguerite. »